C'était lors de son anniversaire il y a quelques années. Mon micro n'est pas capable de supporter beaucoup de pression. Hein. Il y en a, l'animateur lui en donne passablement de la pression. Il veut avoir un son optimal pour les auditeurs qui sont de plus en plus frileux au niveau auditif. Ils sont très frileux. Comment tu peux être frileux au niveau auditif? Moi, t'expliquer, mon petit champion. C'est très simple. Parce que tu te dis que la technologie est rendue aussi élevée que ça, est rendue au zénith, tu veux que ton animateur préféré ou moins préféré, en tout cas, que ton animateur, que ce soit préféré ou pas, l'important, c'est pas d'être dans la préférence. Ma préférence à moi. Non, non. Ça, Julien, il est bien beau. Il est bien jeune. Il a bien du talent. Il joue du piano. Debout, assis, couché. Avec toutes ces femmes de sa... Il y en a eu des femmes, lui. Oh! Miu, miu, miu, miu, miu, miu, miu, miu, miu, miu, miu, miu, miu, miu, miu, miu, miu, miu, miu, miu, miu, miu, était là, était une de ses premières... premières médiatiques. Après ça, il y en a eu. Julien Clerc. C'est pas de lui qu'on parlait, là. On parlait du son. On parlait du côté... J'allais dire... optimum, maximum de l'émission. Nous avons la console, une belle console. Je la nommerai pas. Non, en fait, je dirais pas la marque. Et mais là, j'ai zioté depuis quelques temps là, la console numérique. Là, je sais pas si je vais me l'acheter. Oh, ça me titille. Puis là, je me suis dit, si je m'achète une petite console numérique, un nouveau micro, même si j'ai le meilleur, c'est le Shure. On ne fait pas de publicité. Tous les chanteurs, les chanteuses, quand vous allez voir quelqu'un sur scène, quand c'est avec un fil, là, c'est un Shure SM58. C'est bien ça. Le Shure SM58, Michael Jackson l'utilisait. J'ai passé à un cheveu. Parce que c'était sur une mise eBay il y a plusieurs années lors de la mort de la vedette. On avait placé sur eBay le micro, le dernier micro que Michael Jackson avait pris lors de la préparation de sa tournée qu'il devait faire, mais bon, il a décidé de se coucher, comme Prince, comme David Bowie, et puis, mais peut-être pas se coucher, on se couche pas, on reste droit debout, puis on envoie des ondes. Mais quand t'es un artiste, tu meurs jamais, quand t'es un être extraordinaire, fabuleux, même si t'es la pire merde, quand tu meurs, on t'oublie pas. Je sais pas pourquoi je dis ça de même, là, public. Je sais pas. Public, là, je me la pose la question. Mais je m'en pose pas trop parce que c'est pas le moment où on demande pas de réflexion ici ce soir. Là. On demande de l'action. On demande de l'intelligence, ça c'est plus compliqué. C'est pas offert en bouteille, c'est ni en canette, en canne. Tu peux pas arriver là là-bas puis en acheter au magasin. Il y a pas d'allée, il y a pas de rangée, il y a pas de rayon qui s'appelle l'intelligence ou comment tu peux appeler ça, Jacqueline, ma belle petite Jacqueline d'amour. Que j'ai ramassé sur le coin d'une rue hier, hein? Où t'étais, Jacqueline, hier au soir? T'étais où hier au soir, ma belle Jacqueline? Tu veux pas le dire? Ah! Elle se la pète, elle a même pas été. Elle nous a fait croire, hein, parce qu'on vit dans une commune, on est plusieurs, on a du fun, là. Puis un lit commun. Pourquoi avoir 50 lits? On n'est pas dans un dortoir, là. On a un méga lit. Méga lit aussi? Mégali, elle a le méga lit avec Renal, hein? Oh, regarde-la! Non, mais on l'a cueilli, l'autre, là. Oh, mon Dieu, Seigneur! Elle nous a fait quoi? Elle nous prend pour des imbéciles. Il y en a quelques-uns du groupe qui le sont, là. On les nommera pas. Mais l'histoire veut qu'elle nous a fait croire qu'elle s'en allait à l'église, à la messe. Elle avait des choses à se faire pardonner. Eh bien, Raoul a dit, moi, tu suis. Elle a dit, non, non, non, je vais y aller tout seul. Je vais y aller toute seule. Tout est belle. Tout est prête devant, je ne sais pas qui, là. L'astre solaire, là. J'ai rendez-vous. Mais c'est pas ça, un astre solaire. Je suis prête et je vais aller à l'église pour communier avec lui. Ouais, puis j'ai dit, pourquoi pas avec elle? Pourquoi ce serait un lui? Ah, ben là, tu me mets dans le trouble. Je te mets dans le trouble. Qu'est-ce qu'il dit? Que la personne, l'astre ou le spectre ou la source lumineuse ou magnétique. Magnétique, moi j'aime ça le magnétique. C'est parce que tu le monde dans la radio, c'est magnétique. Des bandes magnétiques. On avait, nous autres, à l'époque, on en avait des bandes magnétiques. C'était pas des petites bandes, là, ben gênées, là, qui cassaient de rien, là. C'était de la grosse bande. On a parlé des enfants. Il y a des ondes qui se perdaient là-dedans, puis on essayait de rabouter tout ça, de remonter la syllabe, de l'octosyllabe, puis de sortir l'aigu du... Oui, exactement, de la basse, et puis là, trouver la droite vers la gauche, puis les mettre tout ensemble pour que ça devienne symphonique, pour ne pas dire... Surround. Le son autour de nous, là. Le son autour de nos êtres. Pas besoin d'aller à l'église, là. La musique le fait. Il y a des techniciens qui travaillent fort pour nous reconstituer nos albums préférés en 5.1. Qu'est-ce que ça veut dire 5.1? C'est pas compliqué. Le 1, là, c'est le gros patapouf qui est en bas qui lui, là, envoie des bars. Fais le gros patapouf. As-tu le son du gros patapouf? Attends un petit peu. Gros patapouf. Oh, ouais, non, ça c'est gauche-droite. Parce que son. Oh, oui, voilà, ouais. On s'en vient. On l'a pas. Ah, les gars, c'est une basse. Une basse, pas une basse, une basse. Parce qu'une basse, c'est trop bas. Il y a plusieurs sortes, hein. Il y a la basse, il y a la basse, puis il y a la basse. La basse, là, c'est loin, la basse, là. La Beauce, tu t'en vas dans ta... Tu dois trouver un véhicule ou marcher, mais aller à pied en Beauce, combien de temps ça peut prendre? Question que vous posez, hein? C'est important, ces petites questions-là. Ça a l'air de rien, là. À pied? Je peux le savoir. J'ai l'ordinateur derrière moi. Et qui dit ordinateur, dit clavier, donc dit vérification. Qui dit vérification, dit un petit temps, un petit moment. Et puis là, ben là, il pourrait y avoir une pause musicale, là, mais je ne veux pas en faire. Ah non, je ne veux pas en faire. Puis là, la bosse à pied commence à prendre temps. On y va. On se dirige là, de l'autre côté. J'espère que mon navigateur est ouvert. Non, bon, ça va bien, navigateur. Puis là, en plus, la souris... Va... Mais c'est pas... Non, on va oublier ça. Il y a des problèmes techniques ici ce soir, mais il n'y a aucun problème là-dessus. Nous, la technique, on dépasse ça. On est au-dessus de tout ça parce qu'on sait que vous nous écoutez. On vous remercie infiniment. Et nous savons aussi que il y a des ondes, il y a des molécules. Il y a des sensations. Imagine-toi une sensation, t'écoutes. Moi, j'ai. Non, j'ai pas peur du ridicule, puisqu'il y a une sensation qui m'a regardé hier. Excuse-moi, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je suis en train de m'étouffer. J'oublie d'avaler, moi, là. Puis c'est un vieux truc là, d'une amie prostituée. Elle me dit, oublie pas d'avaler. Oublie pas. Mais oui, mais là, avaler quoi? Mais non, avale ta salive. Parce que je me rends compte que toi, mon beau mâle, elle m'appelait mon beau mâle parce que j'avais moyens financiers pour ça. T'sais. Des fois, bon, en tout cas, je ne vais pas raconter ma vie ce soir. Mais beau mâle. Et puis, donc, qu'est-ce qu'elle voulait dire, celle-là? Elle voulait sortir, hein? Ça me coûtait cher quand elle voulait sortir. Ah, mon Dieu! J'ai dit, sois donc tranquille. Sois donc domptable. Tu te domptes pas. Tu peux pas te dompter. Quand t'auras pas une maudite scène, tu vas tomber. Tu vas tomber dans le bonheur. Parce qu'il y a rien de pire que d'avoir de l'argent. Plus t'as d'argent, plus t'es esclave de ton argent. Moins t'en as, plus t'es libre. La liberté, ça se paye pas. Ça se vit. Au quotidien. Dans la seconde, dans la minute, dans l'immédiateté. L'immédiateté. Tu veux que je redise encore? L'immédiateté. L'instantanéité. Pas demain, il ne faut pas remettre. La nouvelle année, moi, je prends pas de. Je prends pas ça, moi. Des réflexions, comment tu appelles ça? On les suit pas, hein? C'est comment tu appelles ça? Des doctrines, non? Du fascisme! C'est du fascisme! C'est une sorte de fascisme. Se faire croire qu'on est capable quand on n'est pas capable. Bon, ce qui revient souvent, arrêter de fumer, hein? Arrêter de boire, arrêter de manger du sucré, se mettre à la diète, hein? Parce que là, à la fin des fêtes, ben là, on sent poindre l'été. On se prépare intellectuellement là, à descendre. À descendre parce que l'été, il y a moins de vêtements. Donc, le QI descend. L'intellect descend. Tout descend pour faire monter tout ce qui est printanier, tout ce qui est estival, tout ce qui est rénal. Rénal, oui. Rénal. Donc, là, on est dans le temps où on prend des... Comment t'appelles ça? Voyons donc, j'ai un blanc. Là, je sais que vous savez, là. Ça vous énerve que je le sache pas. Hey, monsieur, des maladies, non, des ressentiments, des ressentiments. Heureusement, j'ai pas de téléphone, pas de micro sans fil parce que j'irai voir en haut. Il y a du monde en haut, là. En 15 secondes, je pourrais savoir. Sur la terre. Énoncé par des cons, jamais touché le fond, la misère heureux. Je crie, je danse et je ris au pied d'une fleur des champs, égaré insouciant dans l'âme du printemps, cœur battant, cœur serré par la colère. Dans l'éphémère beauté de la vie. Une émotion légère, comme un soleil radieux dans le ciel de ma fenêtre ouverte. Et je danse et je lance un appel aux archanges de l'amour. Quelle chance, un vautour, un coup d'aile, un coup de bec, me rend aveugle et sourd à la détresse, à l'éphémère radistesse de la vie. Au fond des yeux, des pinocchios dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt dans la vinaigrette, des oubliettes au fond de la cour. Il y a des allumettes, il y a des allumettes au fond des yeux, des pinocchios dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt dans la vinaigrette, des oubliettes au fond de la cour. Il y a des allumettes. frayeurs, les allumettes au fond de tes yeux, des pilotes que dans la boîte aux lettres, les poils de yaourt, tenant dans la vinaigrette, les oubliettes au fond de la peau. Il y a des allumettes, il y a des allumettes au fond de tes yeux, des pilotes que dans la boîte aux lettres, des poils de yaourt, tenant dans la vinaigrette, les oubliettes au fond de la peau. Vicomte Hubert de Fracoviac. À la régie backliner, Mr. Raphaël Rebourg. À la régie artistique, Audrey du Bataclan. À la régie impériale, que dis-je, sacerdotale, son éminence, Stéphane Guillaume. Les lumières sont de Christophe Olivier. Il était entouré de Gaël, Clément, Samuel, ainsi que Michael et Fabrice. Merci les gars. Merci la fille. Au son, autour de Mactelian et de Hubert de Fracoviac, il y avait Guillaume et Audrey. Sur le plateau, Sébastien et Yang. Yong. Et à l'accueil, c'est très important. L'accueil, c'est la façon dont on est accueilli. Il y avait Manu, Catherine et Barbara. We'll be right back.

Ne riez pas trop fort, il n'est pas d'ici. On ne sait jamais leur réaction. Je me sens comme un serpent. Je me sens comme un gars qui va prendre des résolutions. Oui, je prends comme résolution que je n'en prendrai plus jamais de ma vie. Des résolutions. Les résolutions, c'est fait pour des gens qui savent très bien qu'ils ne le feront pas, qu'ils ne se rendront pas jusqu'au bout. Pourquoi se la faire difficile? La vie est unique. La vie. T'es inspiré, mon Raymond? Je me sens comme un serpent. Ben oui, mais là, quelle sorte de serpent? Ben, c'est pas compliqué. Comme j'en porte, un serpent à lunettes. Comme la chanson de M et de Mathieu Chédid et de Jacques, Higelin. Pas Jacques, mais Arthur. Parce que dans la chanson, si vous vous souvenez, si vous avez de la mémoire, il dit, je me sens comme un serpent. Il fait un serpent à sonnette. Je vais être obligé de m'acheter un autre micro. Il y a tellement de bave qui rentre là-dedans. Pas grave. Peu importe. Si votre radio... Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça au début de l'émission. Puis dans les semaines qui suivront. Si vous avez une flaque humide à côté de votre radio ou de vos écouteurs... Ouais, ça peut couler le long de vos joues. C'est des rires, j'espère. Ça me surprendrait grandement, tu sais, rire aux larmes comme ça, là. Rire aux larmes, ça fait peur en plein bonheur de rire aux larmes, ça fait peur en plein bonheur de rire aux larmes. Être heureux, c'est curieux, ça vous met de l'eau dans les yeux. Le bonheur fait rire aux larmes les enfants et les amoureux. Mais par grande tristesse que l'on ne peut plus supporter, ça ne fait plus pleurer, non, ça fait rire aux larmes, rire aux larmes. C'est beau en plein malheur de rire aux larmes, rire aux larmes, rire aux larmes. Ça fait peur en plein bonheur de rire aux larmes, rire aux larmes, rire aux larmes. Ça fait peur en plein bonheur de rire aux larmes, rire aux larmes, rire aux larmes. Ça fait peur en plein bonheur de... C'était une version improvisée, comme d'hab, de la chanson de Jean Lapointe, « Rire aux larmes ». Je connaissais le texte par cœur il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, il y a au moins 30 ans. Jean Lapointe, Reynald Gagné, c'est de 10 à... Non, peut-être 9 ans. De 9 à 77 démaquillés. Non, de 10 ans. De 10 ans jusqu'à... 20 ans. Et non, mais parce que oui, je suis un peu émotif, puisque j'ai voulu faire, je voulais peut-être raconter, j'ai voulu monter

post floss. Moving to Montana soon. Well, gonna be a dental floss tycoon. How unique. Such a ballad in this temple. We'll be right back. Boogers everywhere. Aujourd'hui, le lundi 7 février 2019, Non, 7 janvier. Ah oui. Aujourd'hui, le lundi 7 janvier 2019, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien et pour nous envelopper dans un enchantement nanamanamana. Sentier natif, autour de notre artiste pour la première fois ce soir et la semaine prochaine suivra la suite. Comme je dis souvent, la suite de la fuite, nous rencontrons la dame, la grande dame de la chanson, Marjolaine Piémont. Alors, place à son univers, place à sa musique et amusez-vous bien. Bonne soirée entre moi, toi, mais toi c'est vous, vous c'est toi, toi c'est vous c'est toi c'est vous, OK? On comprend là? Toi, moi et Marjolaine Piémont. Nous laissons la place à l'artiste. J'aurais voulu être un artiste pour me retrouver Marjolaine Piémont quand le monde regarde sur la scène. Mais non, c'est pas moi, Marjolaine. Moi c'est Réal. Connaissez-vous Renard? Renard? Connaissez-vous Renard? C'est moi. Mais Marjolaine, c'est elle. À quoi ça sert d'avoir des mains si personne ne les baise? À quoi ça sert d'avoir des seins si seulement ils pèsent? Pourquoi mettre une robe si personne ne me l'enlève? Pourquoi perdre du poids si aucun bras ne me soulève? À quoi ça sert d'avoir un cœur qu'aucune flèche ne transperce? Pourquoi ma peau si douce sans caresse? Pourquoi porter un corset si personne ne m'en délivre? À quoi sert mon parfum si jamais on est si enivre? À quoi ça sert? Ça sert ma gorge, ces enfants qu'on embrasse. Pourquoi ça la sert mon cœur, ces amoureux qui s'enlacent? À quoi sert mon rouge à lèvres si personne ne le mange? Pourquoi toutes ces crèmes contre la peau d'orange? Je marche dans les rues, personne ne me renverse. Pourquoi toutes ces larmes si jamais on ne me bouleverse? À quoi ça sert? Ça sert ma gorge, ces enfants qu'on embrasse. Pourquoi ça la sert mon cœur, ces amoureux qui s'enlacent? À quoi sert cette épaule si personne n'y pose sa tête? Tout ce monde au balcon, jamais on ne s'y arrête. Pourquoi ça sert ma gorge, ces enfants qu'on embrasse? Pourquoi ça la sert mon cœur, ces amoureux qui s'enlacent? À quoi ça sert? Ça sert. anniversaire. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci. Oui, merci. Vous aussi. Oui, on ne change que parler. On devait se téléphoner hier. Allô, comment ça va? Excuse-moi. J'ai un problème avec mon équipement. Pas de duo. Ah, c'est par contre, on parle justement des poils avec mon... Est-ce qu'on fait un enregistrement jeudi? OK. Sur les poils? Presque sur les poils, mais sur une autre chanson. OK. Oh. On va se passer ici à Londres. Hein? Ça te va? Oui, est-ce que tu préfères ce côté-là? Tu veux, ou alors on en... Oh non, je préfère à l'extérieur. Ah, oh, parce qu'il fait quand même. Et toi, comment ça va? Ben écoute, ça va bien. J'aime bien entendre l'accent comme ça. C'est bien, hein? Ah ouais. C'est extraordinaire. C'est, tu sais, ça fait penser à la variété du français qui a voyagé comme ça dans le monde. Et de voir comment on parle le français sous différentes latitudes. Oui, un peu partout, oui, ouais. Effectivement. Mais le français du 18e siècle, c'était comme le mien. Oui, oui, après, je sais. Après, ça s'est modifié. Je crois que la région en France où on parle le français le plus proche du 18e, qui a après migré au Canada, c'est dans la Québec, région ouais. du... Les Ch'tis, dans le nord. Non, au centre. Là où est originaire Georges Sand. Je vais trouver. Oh oui. Le Limousin. Ah oui? Oui. L'accent est encore plus... est similaire au nôtre. Il n'est pas similaire, mais apparemment, c'est comme ça que c'est vraiment de cette région que serait parti, enfin vraiment que l'accent est le plus pur pour après migrer au encore Canada. Encore aujourd'hui? Ouais. Oui, encore aujourd'hui? C'est ce qu'on me dit. Ah. C'est ce que j'ai entendu dire. Est-ce que tu as entendu ces gens-là parler? Oui, après, ils n'ont pas du tout ton accent. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils ne parlent pas avec des défauts de langage comme à Paris, où c'est vraiment... À Paris, c'est trop métissé. Moi, dans ma région, on parle vraiment un accent très allemand. Je suis d'Alsacienne. Oui. Donc, on en parle vraiment avec le français, avec un accent très typé. Et voilà. J'ai visité Strasbourg en 89. C'est vraiment super. Strasbourg, c'est une ville... Est-ce que tu viens de Strasbourg, non? Oui, oui. Ah oui? Ah, oui, oui. Ah, c'est merveilleux. C'est vraiment l'Allemagne en France. Ah oui, c'est super bien. Ah, c'est super. Ouais, vraiment, ça... On a le quartier historique qui a été le quartier latin, et puis après, ça s'éclate vraiment une partie allemande. Ah oui. Bonjour. Qu'est-ce que tu bois? Moi, je vais prendre un jus de pamplemousse, c'est un excellent verre. Ouais. Merci. OK. Et moi, s'il vous plaît, je vais prendre un Perrier rondelle. Ouais. Allez. Avec une grosse rondelle de citron. OK. Merci. Tu prends du Perrier à 9h30? Oui, parce qu'en fait, j'ai pas envie de café ni de thé. OK. Et Ah, parce que c'est trop chaud. Ouais, et puis là, oui, puis je suis déjà réveillée depuis belle lurette. Ah, OK. Je fais des petites nuits. Ah, tu dors très peu? Ouais, je dors pas beaucoup. Comment ça? Parce que, je sais pas, je crois que j'ai pris l'habitude. Un temps, je dormais beaucoup. Maintenant, j'ai l'habitude de me coucher tard. Et comme j'ai un enfant, je me lève très tôt. Alors, tu te couches tard et tu te lèves tôt. Ouais. Tu dors jamais. Oui, mais alors après, j'ai l'impression que mon corps s'est habitué. Ah oui? Mm-hmm. Parce que moi, depuis que je suis arrivée dimanche, j'ai dormi peut-être 12 heures. Oh, c'est pas beaucoup. Hein? Non, je suis insomniaque. Je suis un ancien travailleur de nuit, donc... Ah bah oui, voilà. Ouais, c'est ça, bien sûr. Alors, raconte-moi un peu ce que tu fais. Je suis allée voir donc CKRL. Oui, qui est une radio communautaire, la première radio communautaire francophone au monde. Donc, on a laissé la place... Carole 14, je ne sais pas si tu connais les Super Nana, peut-être pas. Non, je ne connais pas. OK, les radios libres, Carbone 14, comme je le disais. Donc, oui. Nous, on a commencé en 1974 à diffuser. Et on est parti en France, en Suisse, en Belgique pour montrer un peu notre savoir-faire et raconter l'histoire de notre radio pour qu'il puisse un peu se bâtir sur nos assises. Donc, c'est comme ça qu'est arrivé des radios pirates, des radios un peu plus underground. Ben, radio anarchiste, ici, à Paris, ben, c'est tributaire de CKRL. D'accord. Qui est la plus vieille radio communautaire francophone au monde. Donc, c'est quand même assez... C'est vachement bien. Et moi, j'ai mon émission depuis 15 ans. C'est une émission de variété, une émission qui laisse la place à la chanson, à l'improvisation, à l'humour, surtout l'absurde. Et je fais des rencontres parisiennes, histoire de rencontrer des artistes, des proposés québécois, et pour ainsi... leur montrer la richesse de la chanson française partout dans le monde. Parce que ce qui est incroyable, c'est que maintenant, il y a le Festival de Petite-Vallée, il y a Tadoussac. Oui, qui a passé au feu, mais ils ont reconstruit. C'est ça, ouais, je sais. C'est merveilleux, là. C'est ouais. Super. Ils ont bien reconstruit. Ils ont reconstruit. Ils ont fait vite, hein? Ouais, ben pour que le festival ait lieu. Donc, il y a un chanteur qui s'appelle Daniel Boucher, qui est un chanteur québécois, qui a mis beaucoup de son temps, beaucoup de bénévoles, là, parce que c'est cet emplacement-là qui l'a un peu propulsé. Donc, il n'a pas voulu que ça reste trop longtemps dans les abîmes. Puis surtout que le festival recommençait 6 mois plus tard. Donc, pour pas qu'il y ait de retard, il a investi beaucoup de son temps et c'est pour ça que c'est encore beaucoup plus beau qu'avant. Plus actuel, le son est plus performant. Et donc, ça donne le festival exceptionnel. As-tu déjà visité? As-tu déjà été là? Non, okay. Je rêve. J'espère l'année prochaine. Ah oui? OK. Ben, il suffit de poser ta candidature, de présenter tes choses, puis eux vont ouvrir un dossier. Oui, c'est Alan Côté qui s'en occupe. Oui. Je l'ai rencontré, Alan. Et puis, bon, maintenant, je commence à avoir un petit cheminement sympa, donc j'espère qu'on verra pour l'année prochaine. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à la musique à Strasbourg? Alors, en fait, moi, donc, je suis née à Strasbourg, à Schiltigheim, exactement, petite ville à côté. Et, tu veux le dire en français? Est-ce que ça veut dire quelque chose en français? Je pensais que c'était en allemand. Ça voulait alors, Heim, c'est la maison. Okay. Alors, Schiltig, je ne sais pas ce que ça veut dire en alsacien. Okay. Heim, c'est la maison. Mais il y a beaucoup de Bischheim, Sulfelweisheim, Niederschaffelsheim, Oberhausen. Est-ce que c'est une langue qui est perdue? C'est une langue qui se perd, bien sûr. Okay. Mais quand même, par exemple, mon frère qui est toujours là-bas, qui est devenu médecin, oh. Il travaille l'alsacien parce qu'il soigne dans la campagne. Et donc, il parle 2-3 mots. Quand, à chaque fois, il leur dit en allemand, en alsacien, tournez-vous sur le dos, asseyez-vous, respirez très fort. Et tout ça, il le dit en alsacien. Il a appris parce qu'il y a plus une connivence. Quand tu parles la langue d'un patois, d'un pays... Du coup, il se crée comme une connivence et aussi de confiance. Ah, c'est vrai. La personne a plus confiance en quelqu'un qui parle sa langue. C'est vrai. Donc, surtout une langue un peu morte, qui est plus d'actualité. Oui, il y a beaucoup quand même les personnes âgées. Et puis les personnes qui font tout un travail de relation. Par exemple, je veux parler des curés, des prêtres. Ils parlent encore l'alsacien. Ah oui. Ou les médecins, les gens qui vont en contact, on va dire, des campagnes. Voilà. Ah, c'est bien. Alors, tu as commencé à Strasbourg à t'adonner à la musique ou... Oui, en fait, j'ai 2 parents médecins. Okay. Et mes parents, ils étaient fans de musique, ils auraient voulu être concertistes. Okay. Et donc, ils m'ont vraiment donné le goût de la musique. Au départ, j'ai fait des études lyriques, donc j'ai beaucoup travaillé le chant lyrique. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à découvrir la chanson française. Et ça m'a... Je me suis dit, mais c'est super, il faut que je fasse des spectacles un jour dans ma vie. Ah oui? Et faut que je chante, oui. Ah, c'est rigolo. Merci. Ça va aller pour les travaux? Oui, aucun problème parce que les micros sont croisés, donc on va très bien entendre, ne t'en fais pas. C'est vrai? Oui, ne t'en fais pas. Est-ce que tu veux un peu d'eau? Non, ça va. Okay. Tu veux un peu de pétillante? Ah non, merci. Et alors, oui, donc tes parents écoutaient de la musique et c'est là que ça t'a influencé? Voilà, et au fur et à mesure, donc j'écoutais beaucoup d'art lyrique, d'opéra, mon père m'accompagnait au piano sur plein de chants, des chants lyriques, mais aussi des vieilles valses viennoises, ou des livres de Schubert, ou encore des Offenbach, ou plein de choses comme alors, ça. Alors, basse classique, quand même. Basse très classique. Et puis au fur et à mesure, je lui ai dit, tiens, regarde, moi j'aime bien Souchon, tiens, regarde Brel. Tiens, accompagne-moi là-dessus, c'est du Gainsbourg. Et un jour, je me rappelle, j'avais dit, tiens, je voudrais faire Lemon Incest, je lui avais ramené la partition. Alors il déchiffre comme ça, il dit, bon, c'est bon, on peut jouer. Et puis maintenant, je chante les chansons, et puis non, mais ça va pas, là, on va pas jouer ça. C'est marrant. Et c'est comme ça que tu t'es adonné à fréquenter la chanson française. Exactement. Et quand je suis arrivée au départ, je voulais faire des études, je voulais écrire des histoires. Je vais faire des études cinéma. Je suis arrivée à Paris pour faire des études cinéma. Finalement, à Nice? Non, à Paris. Ok, mais à quel endroit? À Louis Lumière, à l'école Louis Lumière? Non, on est à la FEMIS parce que je sortais juste du bac, donc j'ai fait une école privée. Ok. Et tout de suite, j'ai trouvé du boulot au Festival de Cannes, Mais en fait, je me suis retrouvée dans un circuit vraiment de, comment dire, pas du tout artistique. Non. Je faisais de la production, de la logistique, et c'était pas du tout ce que je voulais. Non. Non. Un peu trop féminine. Aujourd'hui, ces messieurs s'épilent en effaçant leurs traits virils. Où sont passés les mâles, les descendants de Néandertal? C'est devenu original quand il est nu, un homme à poil. C'est bon, un homme à poil. C'est chaud, un homme à poil. C'est mieux qu'un chien, presque un cheval. Les poils, c'est l'anti-stress. Mes doigts y font détresse. Puis je m'invente un nouveau jeu. J'ai pour mission de défaire les nœuds. Très peu pour moi les imberbes. Je rouler dans l'herbe, respirer les senteurs boisées d'une promenade en forêt. C'est bon, un homme à poil. C'est presque un animal. C'est chaud, un homme à poil. C'est mieux qu'un chien, presque un cheval. Embrasser un homme mal rasé, ça donne du piquant au baiser. Ça laisse un peu de rouge aux joues, une trace en arrière-goût. Je tords sans couverture, puisque j'ai contre moi mon manteau de fourrure. Sur son torse pousse une crinière, je m'y accroche des nuits entières. C'est bon, un homme à poil. C'est presque un animal. C'est chaud, un homme à poil. C'est mieux qu'un chien, presque un cheval. C'est bon, un homme à poil. C'est presque un animal. C'est chaud. Arrêté ça et j'ai repris, je me suis dit bon, faut que je gagne ma vie. J'ai vu une petite annonce, recherche chanteuse pour le nouvel an 2000 et j'ai appelé et c'était l'assistant de Pierre Cardin qui cherchait une chanteuse pour son nouvel an 2000 et j'ai été sélectionnée par Pierre Cardin. En faisant quoi? En proposant, tu t'es rendu sur place pour chanter ou t'as envoyé une cassette ou, Non, je me suis déplacée sur place, il y avait plein de gens. Il y avait un premier choix, et après Pierre Cardin fait le choix final. Et c'est marrant parce que j'ai proposé des chansons pas du tout festives. J'ai proposé Barbara. Des femmes impliquées, des femmes. Oui. Des femmes de. J'ai aussi mis du Céline Dion et du Lara Fabian. Oh. Parce que c'était l'époque et je me suis dit, bon, il faut faire ça. Oui. C'était pas trop mes goûts, mais j'avais proposé Barbara, Lara Fabian, Céline Dion, puis Dubrel. Et en fait, il m'a choisi, j'étais étonnée. Et donc, sur combien de personnes? Ah, je sais pas. Il y avait beaucoup de monde. C'est quand même un velours. C'est un velours d'être accepté, d'être choisi. C'est quand même. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien parce que en plus c'est mon premier contrat où je gagne ma vie en tant que chanteuse. Oh, ok. Le premier cachet. Ouais. Et comment tu as perçu le fait de chanter devant un public? As-tu chanté devant un public ou c'est... J'avais déjà chanté devant un public, parce que comme je faisais les études au conservatoire, on faisait régulièrement des spectacles, okay. Ah, oui, etc. Oui, okay. Mais là, c'était... Ouais, c'était sympa, j'avais bien aimé, je trouvais que c'était bien. Et donc, du fil en aiguille, j'ai commencé à vraiment gagner ma vie en tant que chanteuse, en me présentant dans plein d'endroits où c'était possible de jouer. Est-ce qu'on peut dire que ça a été un peu un tremplin pour toi? Parce que ça a été des débuts. Après Pierre Cardin, il ne se passe rien, mais j'ai rencontré Du coup, j'avais rencontré lors de ce casting plein d'artistes qui m'avaient dit, nous, on joue là, on joue là, on joue là. Et ça m'a permis d'après démarcher les lieux où ils jouaient et donc de revoir ces gens-là sur scène. Mais c'est quand même gentil de leur part de te proposer des endroits où ils vont chanter parce qu'ils perdent un peu des contrats. Hein. Non, parce que dans les endroits où ils vont, il y a plusieurs chanteurs dans la soirée. Okay, okay. Et par exemple, il y en avait une qui était russe et qui faisait que des chants russes. Et moi, quand il m'a vu que j'étais alsacienne, il me dit « tu vas faire des chants allemands ». Donc je jetais l'allemande de service et chantais des chants allemands. Et ou alors j'étais pliée à la demande. Oui. Ah ouais. On me demandait de chanter ça, je dis « ok, je vais le bosser et je chante ça ». On me demandait de chanter du jazz, « ok, je vais chanter du jazz ». J'avais jamais chanté de jazz, donc j'ai appris le jazz. Combien de temps? Là, j'ai sur plusieurs années, jusqu'à 2005 à peu près. Après, en 2005, je fais une comédie musicale qui s'appelle Sol en cirque. Ouais. Après, je fais un... As-tu aimé la comédie musicale, le fait de chanter, de danser, d'être... J'aime beaucoup l'aventure humaine. OK. Ça, c'est extraordinaire. Le groupe, le côté groupe. Ouais, j'adore. Mais sinon, chanter, danser, non? Si, j'aime bien ces spectacles-là. Mais c'est pas... je préfère la chanson. Devant le micro. Ouais. Plus projeté, moins... Oui, j'aime le spectacle qui peut être aussi dansé ou joué. Mais là, sur les comédies musicales, en fait, on n'a ni le choix des costumes, ni le choix de... Ouais, c'est OK, ouais, c'est un peu... De l'écriture, de la compo, tu te mets là et tu chantes et tu joues et tu te déplaces là, okay, etc. Ouais. C'est plutôt théâtral, c'est moins... Tu peux pas laisser la place à l'improvisation. C'est très interprète, il manque toute la dimension de l'écriture, de la compo, etc. Et à travers ça, tu continues quand même à t'adonner à chanter de la musique, de la chanson française, t'as pas abandonné le morceau. Parce qu'il y avait quand même un attachement. Oui, oui. Qu'est-ce qui te plaît dans la chanson française que c'est le festival? En fait, ce que j'aime, c'est que la chanson, pour moi, est un témoin historique de notre civilisation, de notre société. Et en fait, la chanson, vu que ce n'est pas élitiste, contrairement à l'art lyrique qui est très élitiste finalement, ouais. On se rend compte que les gens qui vont à l'opéra sont des gens soit qui y vont parce que ça fait bien d'aller à l'opéra. Par snobisme. Ou alors il y a des vrais passionnés, mais finalement il faut quand même être initié, exactement. Alors que la chanson, pas besoin d'initier, tu te prends le texte en pleine figure et tu te dis waouh, ou la chanson, ça se fredonne, c'est des petits airs comme ça qui trottent dans la tête. Et finalement, c'est pour moi ce côté ménestrel que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on véhicule une idée, on véhicule une information. Et en plus, cette idée, cette information est vraiment. Relate l'histoire au moment. Par exemple, si tu vois la chanson française en 1870, 1880, ou même toute la période réaliste où tu vois toutes ces femmes qui chantent sur leur sort, voilà, qui chantent le quotidien des femmes battues par les hommes, parce que c'était quand même... Il y a même des chansons où les hommes se narguent se vantent de taper leurs femmes parce qu'elles obéissent pas assez. Ouais. Et il y a aussi toute la période où jusqu'en 1946, on avait des maisons closes en France. Donc il y a plein de chansons sur le fait d'être prostituée, etc. Ouais. Et donc on voit vraiment la condition féminine ou la relation homme-femme au début du siècle est assez impressionnante, je trouve aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait même plus chanter de ces chansons-là. Non. Ou même Yvette Guilbert, quand elle chantait, donc elle alliait les cabarets de la rive gauche et les Cafrances rive droite. Et elle arrivait à chanter des chansons absolument incroyables, comme Les Fœtus, où elle raconte l'histoire du fœtus, alors que c'était très tabou. Et je trouve qu'elle est extraordinairement moderne, cette femme, quand elle accepte, c'est pas elle qui a écrit, mais elle accepte de chanter. Elle représente la chanson. Oui. C'est quand même audacieux de sa part. Mais à travers tout ça, est-ce que tu chantes aussi ces chants-là de Damia, de Péenne? Oui, je la connais bien sûr. OK. Oui, je les ai travaillés. Je les ai travaillés, par exemple, à un moment donné, dans Paris, dans les événementiels, on m'a contacté pour faire tout ce qui était chanson française. On m'avait estampillé un peu chanson française. L'anthologie. Ouais, où on savait que j'étais plus spécialisée en chanson française qu'en funk, par exemple. Je ne chante pas du tout de funk. La soul, je peux te faire 2-3 chants, mais ce n'est pas du tout mon créneau. Ouais. Du reggae, je peux chanter 2 chansons, mais c'est pas... Le rock, c'est pareil. Et finalement, j'ai commencé à chanter toutes ces chanteuses-là. Et cette richesse-là, est-ce que ça t'a donné le goût d'écrire tes propres chansons? Oui, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas écrire ces histoires. Et après, j'ai rencontré des auteurs sur ma route, j'ai rencontré des musiciens, des auteurs. Et j'ai un auteur que j'ai rencontré qui me disait, eh ben, montre-moi tes textes. Et puis il m'a vachement aidé à trouver ma voix sur l'écriture. Et ta voix chantée aussi, non? Tu l'avais déjà, ta voix chantée? Oui, oui. Okay. Oui, j'avais décidé de gommer tous les aspects lyriques et d'essayer de retrouver. Mais il n'empêche que j'ai une voix, on sent que ma voix est, entre guillemets, travaillée dans le sens, elle n'a plus le charme de... Par exemple, moi, quand j'entends une chanteuse qui n'a jamais pris de cours de chant, je trouve que c'est un diamant brut, hein, c'est-à-dire que la voix n'est pas abîmée. Okay. Et parfois, quand une chanteuse prend trop de cours de chant, elle ne sait plus où est allée elle-même, parce qu'elle sait tellement faire monter dans les aigus, monter dans les graves, transformer sa voix pour que ce soit une voix qu'on pousse dans les mitres, enfin bref. Elle connaît tellement les techniques de la voix que du coup, elle s'est ouverte et il n'y a plus la voix très singulière qu'on a au début quand on commence à chanter. Ah, ouais, ouais. Alors j'aime beaucoup les voix singulières quand elles sont encore à l'état brut. Parce que ça montre qu'il n'y a aucune écorchure encore par l'académie ou par... C'est ça, ouais. Mais les chansons que tu voulais écrire, que tu voulais relater, c'était des histoires que tu n'avais pas encore lues, que tu n'avais pas encore écoutées? Ou si tu voulais t'impliquer davantage dans ce que toi tu vivais et le faire partager aux autres? Non, parce que je pense qu'une chanson comme « Femme mais pas d'un homme » a été très bien écrite par Brassens sur la non-demande en mariage. Il ouais. Y a mieux, on va dire. Mais j'avais envie d'exposer aussi mon point de vue de femme. Où c'est incroyable comme dans les papiers civils. Tu connais « Femme mais pas d'un homme » cette chanson-là? De Brassens? Non, une chanson que j'ai écrite, non, Femme des femmes. Non, non. Et c'est toi qui as voulu la raconter, cette chanson-là de Brassens, en guillemets, à ta manière, dans ton actualité, dans tes mots. Et le point de vue d'une femme. OK. Je t'ai ramené, c'est l'album qui sort en octobre. OK. Ça, c'est l'EP qui est sorti en 2016. Est-ce que je peux le diffuser, même si c'est pas encore sorti? Alors, je préférerais en octobre, si c'est possible. Oui, oui, ça oui, va? Oui, pas de problème. Ouais. Okay. Comme ça, je relais tout en octobre. Okay. Ça sort le 5 octobre. Okay. Là, ça, c'est déjà sorti, donc si tu veux relayer des choses, c'est possible. Okay. Mais là, c'est... Oui. Je ferai, même le visuel, tu vois, j'ai pas du tout communiqué encore. Je vais commencer à communiquer en août. Okay. Fin août. Tu veux me prendre sous tes ailes, mais je suis un drôle d'oiseau qu'on n'attrape pas avec un anneau. Je n'ai pas besoin de béquilles ni du nom de ta famille. Je suis femme mais pas d'un homme, je ne dépends de personne. Viens, je te demande ta main, je t'emmène sur un chemin. Sans tout le tra-la-la-la-la, sans les chabalabala, viens là et la-la-la-la-la, prends-moi, oh la-la-la-la, la-la-la-la-la et là. À quoi ça sert de dire fromage sur les photos de mariage? Les sourires, même sous verre, finiront couverts de poussière. Le plus beau jour de ma vie, juste un seul, je n'ai pas envie. Pas de bouquet, ni de serment, qui se fane avec le temps. Viens, je te demande ta main, je t'emmène sur un chemin. Sans tout le tra-la-la-la-la, sans les chabalabala, viens là. J'ai rangé sa vie dans une cage. Pourquoi vivre derrière des barreaux au lieu d'être libre comme des tourtereaux?

depuis plusieurs années, la femme garde son nom. Ah, c'est bien. Comme ma sœur est mariée, mais ça reste quand même Nancy. Elle reste son nom. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que... Moi, je veux garder mon nom. Enfin, je veux pas me travestir, me changer. Alors, c'est bizarre parce que... As-tu le droit, oui. Il y a des femmes qui veulent changer de nom, qui sont très contentes de porter le nom de leur mari. Moi, non, quoi. C'est mon identité, enfin... Mais toi, as-tu le droit de porter ton nom, même si t'es mariée? Alors, oui. Mais c'est très compliqué parce que, dans les faits, oui. Mais l'État civil envoie des papiers, des adresses à madame... nom de jeune fille, ah, pour ouais. moi, je voir ça, ça m'exaspère. Encore aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Ouais. Ouais, vous êtes un peu rétrograde. Oui, il y a un peu de choses à faire là. Et dans cette chanson-là, tu relates un peu cette frustration-là. Je n'ai pas besoin de ton nom de famille. Je n'ai pas besoin... En fait, je n'ai pas besoin de nom de famille. Je suis femme, mais pas d'un homme. Je ne dépends de personne. C'est-à-dire de toujours avoir cette... cette double identité. Ouais, de... Bon, y a ça sur un couplet. Après, il y a plein de choses sur... je pense pas que le mariage soit le meilleur... le plus beau jour de sa vie. La meilleure preuve d'amour, c'est pas le mariage. Oui. C'est dans le quotidien. C'est dans le fait de le prouver et non pas de le signer. Mais il y a cette histoire que les femmes attendent un homme pour les sauver, pour leur bonheur. Or, je trouve que c'est très infantilisant de maintenir ce fantasme pour les jeunes filles et les petites filles. Parce que c'est leur dire que un jour ton bonheur dépendra d'un homme. Ouais. Le plus beau jour de ta vie dépendra d'un homme. Or, c'est pas vrai. Une femme est accomplie ou aura du bonheur. C'est elle qui le décide. Et c'est elle qui va l'engendrer, ce bonheur. Ouais. Il ne faut pas attendre après quelqu'un. Après la rencontre d'un homme, etc. C'est pas vrai, je pense pas. Mais comment ton copain a pris ça, un peu tes réflexions Il est d'accord avec moi. Okay. Ah, mais c'est bien, c'est pour ça que vous êtes ensemble. Donc il y a quand même cette réflexion-là qui a été faite dans les deux sens. Oui, oui. Oui, c'est heureusement, parce que sinon, je serais pas avec lui. Exactement, exactement. Mais à travers les chansons, tu veux aussi, c'est ça, tu veux raconter ces anomalies, ces problèmes sociétales-là. Oui. Mais aussi ta vie privée ou ta vie de femme? Alors, parfois, je rencontre des femmes qui m'inspirent et j'écoute une phrase et il y a un jour une fille qui était désespérée et elle me dit « Ah, de voir des amoureux dans la rue s'embrasser, ça me dégoûte. J'ai envie de les tuer. » Oui, et je trouve ça superbe d'écrire ça, de commencer à écrire sur la frustration, de voir des amoureux. De dire, mais... Pourquoi pas moi, puis pourquoi eux? Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, donc, du coup, j'entends ça, et... Donc, ça t'inspire. Ça m'inspire, ou j'ai une phrase qui me tombe comme ça, et je me dis, ah, mais tiens, je vais commencer à écrire là-dessus. Est-ce que tu cogites longtemps avant d'écrire, ou si ça vient instantanément? Alors, il n'y a pas de règle. Hein. Parfois, c'est nuit, c'est page blanche, page blanche, page blanche. Et parfois, j'ai une... Tout vient d'un coup. Est-ce que tu t'obliges à écrire, ou ça vient tout seul? Il faudrait que je m'oblige à écrire, parce que c'est une gymnastique. Ouais. Ces derniers temps, je la fais moins parce que je suis beaucoup dans les promos, la communication et tout ça. Puis en plus, ben, t'as un enfant, donc ça... Oui, mais je travaille beaucoup sur la com, mais... Okay. Mais par exemple, je suis dans l'écriture d'un spectacle, et ça, je mûrissais, j'y pensais régulièrement la journée, et j'ai une nuit, j'arrivais pas à dormir, et en fait, j'avais tout qui arrivait par bloc, alors je me suis réveillée, et j'ai tout écrit... Et ça s'est passé dans l'espace d'une nuit. Mm. Et c'est à peu près ça que tu vas faire sans doute là, avec quelques changements. Je teste maintenant sur scène. Dès que j'ai une petite scène, je teste pour voir comment ça réagit. Parfois, je trouve ça hyper trash. Mais en même temps, parfois, je me dis, tiens, c'est rigolo. Ah, c'est une bonne idée. Peut-être qu'il faut que je l'exploite autrement. Creuser un peu plus. Voilà. Est-ce que tes parents ont trouvé ça difficile à vivre, le fait que tu voulais être chanteuse, eux qui étaient médecins? Alors, je crois que eux, ils voulaient être concertistes de piano et que leurs parents respectifs ne voulaient pas. Ils m'ont toujours soutenue dans ma quête. Et jamais mes parents n'ont regretté leur choix parce qu'ils voient que je me débrouille bien. Oui, je me dépanouis beaucoup. Et encore aujourd'hui, même si c'est très difficile de vivre, parce qu'il y a tellement de chanteuses au même titre qu'il y a tellement de comédiens et comédiennes, est-ce que tu as voulu rapidement proposer une étiquette, proposer ton style, proposer ton son, proposer ta façon d'écrire pour te différencier des autres? Je crois qu'à un moment donné, j'avais envie de plaire à tout le monde. Donc je chantais, j'étais interprète, je chantais du jazz, du reggae, du machin. Et puis j'ai rencontré des musiciens qui m'ont dit « mais non, toi tu chantes de la chanson française ». Je vais « ouais, mais je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je peux faire un negro spiritual, etc. » D'ailleurs, j'ai chanté un negro spiritual à un mariage là ce week-end. Ah oui? Mais... A cappella ou... J'avais monté une chorale. Et avec la famille des mariés. Ouais, ouais, ouais. Et donc, et je faisais la lead. C'était super, ouais. Et les gens me disaient, ah, j'avais jamais entendu ta voix comme ça. Mais finalement, ce que je sais faire de mieux, c'est la chanson. Et après, quand j'ai écrit mes chansons, donc j'ai été un auteur qui m'a vraiment aidé à écrire, c'est Vincent Baguian. Okay. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment... Je me suis dit, oui, il fallait pas que je triche, il fallait que je sois authentique. Et donc, j'ai commencé à écrire qui j'étais, ou comment je voyais ma vie, comment telle phrase m'interpellait et comment j'essayais de la retraduire. Et ça donne des chansons et ça donne un... En fait, quand j'écoute des chansons, je me dis, je me travestis pas. Mais tu as tout. Voilà, c'est moi. Après, que les gens aiment ou aiment pas mes chansons, ça me pose pas de problème parce que je sais que je suis arrivée à l'aboutissement de quelque chose que je voulais faire. Voilà. Et surtout, chanter les autres, c'est une école. C'est une école, on apprend plein de choses. On apprend aussi à chanter des textes qui ne nous plaisent pas. Ah oui, comment ça, tu chantais des chansons qui ne te plaisaient pas? Par attente des autres, les gens voulaient t'entendre. Bien sûr, oui. Tu veux pas en nommer quelques-unes, non? Tu veux pas froisser personne? Non, mais des chansons pour faire danser. Ok, moi, je comprends, ouais. Bon, ouais, c'est pas ton style. Toi, c'est beaucoup plus l'interprétation, c'est beaucoup plus dans l'écriture des chansons et surtout dans la vivacité aussi. Expiable, ça reste expiable, donc c'est la façon dont elle amène les mots, elle amène aussi la consonance. Est-ce que tu as des chanteuses comme ça qui t'inspirent beaucoup? Enfin, j'aime beaucoup en chanteuse. Alors, parmi les personnes qui sont plus là, j'aime bien donc Yvette Guilbert. Barbara, j'ai beaucoup aimé l'audace de Colette Renard. Ah oui. J'aime beaucoup aussi Suzy Delaire. Et connais-tu Colette Magny? Oui, Colette Magny. Ce sont des personnes comme ça où à un moment donné elles ont un peu choqué. Et en même temps, elles ont fait vraiment avancer pour moi les questions d'égalité de la femme. Peut-être que je suis proche de ces sujets parce que ça m'intéresse, mais elles ont vraiment, ou sur les droits des homosexuels. Moi, je ne suis pas homosexuelle, mais j'aime bien que la chanson participe à l'ouverture d'esprit de la société, qu'elle donne un éclairage. En fait, j'aime les messages que les artistes véhiculent. J'aime quand un film me bouleverse et transmet un message et qu'on sort de là avec l'esprit un peu plus ouvert. Ouais. Et au fur et à mesure que notre esprit s'ouvre. J'aime pas du tout les gens qui sont très très étroits et ont une vision très sectaire. Ouais. Et crois-tu que les médias essaient de nous amener cette ouverture-là ou... Non, je pense que les médias relaient des infos, des personnes qui peuvent... faire du buzz. Ouais, donc oui, le oui. Buzz, c'est quoi? C'est des gens qui sont déjà connus. Et le buzz, c'est quelqu'un qui va choquer terriblement. Alors, façon de choquer, il y a choquer et choquer. Moi, j'essaye de tracer ma route. Souvent je me tais, je suis sa présence féminine, celle qu'il est fier d'inviter pour sa belle poitrine. Je suis la potiche qui sourit pour les s'il vous plaît, les merci. Ce que je fais, ce que je pense n'a aucune importance. Au menu OMPAG, gratiné de blagues salaces, je fais semblant de rigoler parce que pleurer ça lasse. Je suis la souris qui sourit pour valoriser son mari, mais quand vient le soir, je reprends espoir en lisant Simone de Beauvoir. Je suis bonne, juste bonne, D'être resté le nez dans l'assiette. La plante verte s'est arrosée. Ça y est, je suis pompette. Je suis la poupée qui fait non. Parce que le whisky ça bourbon. C'est lamentable. Je m'en fous, je pète un câble. Et je chante debout sur la table. Je suis bonne, juste bonne, à souffler du dioxyde de carbone. Je suis bonne. Ces femmes plus ou moins soumises, pour qui le silence est souvent de mise. Et je leur conseille aussitôt de quitter ces hommes sans leur dire un mot. Mes chansons comme La Sol Do Mi peut choquer, tant mieux. Parce que au moins les gens n'ont pas resté ont pas resté neutres là-dessus. Toi, tu voulais évoquer quelque chose et ce quelque chose-là s'est rendu. Oui. Est-ce que tu trouves que tes chansons ont une visée, c'est-à-dire que les gens les prennent bien? Oui. Oui, il y a une chanson qui sort sur l'album, là, qui est la chanson que je préfère et que je préfère chanter sur scène parce qu'il y a deux publics. Il y a un public qui rigole et un public qui pleure quand je chante cette chanson. Et, ou alors, il y a même le public qui change, qui est hyper triste et à un moment donné qui va sourire. C'est très... j'aime beaucoup cette chanson parce que je pense qu'elle touche à quelque chose de très... Le double sens. Précis, double sens, mais que les gens comprennent que c'est un sujet dur, mais que je traite avec beaucoup de joie et d'humour. Mais en même temps, c'est hyper triste. Mais, oui. Et j'aime beaucoup chanter cette chanson et donc parfois, je sais qu'il y a une personne qui m'a dit « Ah, je trouve ça trop dur, comment tu traites la maladie, c'est trop dur. » Parce que tu rigoles de ça et en même temps c'est tellement vrai. Alors, c'est une chanson que j'aime beaucoup chanter. Mais en général, les gens ils prennent bien, ils reviennent. Es-tu surprise du public qui te suit régulièrement? Il y a des gens qui sont devenus mes amis. Enfin, pas des amis, mais c'est des personnes qui m'envoient des messages tous les jours. Où je fais un peu partie de leur vie, ou alors ils projettent eux en me disant « Ah, mais toi, écris ce que moi j'aurais voulu dire. » Alors ça, j'aime beaucoup, parce que j'ai l'impression que dans ma singularité, j'ai réussi à toucher d'autres personnes différentes de moi. C'est ce qui me plaît le plus. Écris-tu aussi la musique, ou si tu laisses ça à des musiciens? Alors, en général, je laisse ça à des compositeurs, des musiciens, mais j'écris deux musiques sur mon album. Et commencer d'écrire les paroles et la musique, est-ce qu'il y a deux complexités entre les mots que tu veux dire et la mélodie que tu veux proposer? Ben, sur la seule demi, j'avais cette idée de chanson assez rapidement. Okay. Et donc, on va dire, les accords sont arrivés hyper facilement. C'est que des accords. Enfin, au départ, comme moi je l'avais composé, c'était un La mineur, Sol majeur, Do majeur, Mi majeur. J'avais mis aussi un Mi7 à un moment donné, mais donc c'est toujours La, Sol, Do, Mi, La, Sol, Do, Mi, La, Sol, Mi, La, Sol, Mi. Et donc la chanson, après elle a été arrangée autrement. On a une descente chromatique, La, Sol, Fa, Mi. Enfin c'est même Sol dièse, Fa dièse, Mi, Ré dièse. Mais ce qui est bien, c'est que lorsque tu montes sur scène, lorsque tu prends une chanson, tu connais tous les aspects de la chanson, autant le solfège, autant le... Oui, oui, oui. Donc, pour toi, il n'y a aucun mystère là-dedans. Tu peux décortiquer autant les textes que la musique. Oui, oui. C'est ça aussi la facilité. On peut glisser une feuille de musique et tu connais vraiment la... Oui, j'ai appris. Après, je suis pas... C'est-à-dire que je joue un peu de guitare, mais je joue très mal. Mais je sais lire la musique, voilà, sans problème. Je comprends l'harmonie. Mais sur scène, as-tu le goût de prendre la guitare, même si tu n'es pas très à l'aise? Oui, je le fais. Parce que les musiciens, ça coûte cher, il faut les rémunérer. Et que si je veux faire des scènes, si je veux me faire connaître, il faut qu'à un moment donné, j'y sois toute seule. Alors récemment, j'ai fait des scènes ouvertes où j'étais toute seule à la guitare. Et puis j'ai même des gens qui me disaient « Mais moi, je préfère quand tu es toute seule à la guitare que quand tu es accompagnée. » Ah oui, ben, c'est plus intimiste aussi. Oui, et je pense que du coup, la chanson prend beaucoup plus son sens. Et finalement, la musique passe parce que le texte est peut-être... fait rire tout le monde, donc ça devient, la musique devient un prétexte. Et c'est une chanson humoristique que j'ai, et la musique devient finalement un petit soutien. Ah, ouais, ouais, ouais. Pourtant, la musique, les gens la chantent, donc elle est très importante. Parce que toi aussi, l'important, c'est autant les mots que la musique. Oui, j'aime beaucoup la musique. Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup composé, mais peut-être que dans un prochain album, je composerai plus, davantage. Ou... Là, par exemple, j'ai fait des rencontres de musiciens. À chaque fois, quand je rencontre un musicien, j'ai envie qu'on crée ensemble quelque chose qui symbolise notre rencontre. Et là, j'ai rencontré un chanteur et je trouve que ses compos sont superbes. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien travailler avec lui. Un duo? Un duo, oui. On en a fait sur scène déjà, des duos. Est-ce que tu veux écrire pour d'autres? T'as comme amené un peu cette façon que tu voudrais aussi collaborer avec d'autres, mais... Oui, j'aimerais bien. Ouais. Ouais. Déjà, j'ai déjà écrit pour d'autres. J'ai écrit des chansons pour Elisa Tovati, une artiste qui interprète uniquement. Et j'avais bien aimé, mais j'avais quand même trouvé que j'étais un peu dépossédée. C'est difficile finalement d'écrire. Oui. Et après dire bon bah tiens, mais c'est un cadeau un peu empoisonné. Non, c'est difficile. On a l'impression d'avoir créé un enfant, un bébé. Ah oui, tu le donnes. Et j'ai l'impression d'être une mère porteuse. Ah oui. Okay. Alors c'est difficile. Alors si tu donnes quelque chose, tu la reprendras pas, tu ne la chanteras pas sur scène parce qu'elle est plus à toi. Non. Mais je pense que si... Là, j'ai pas donné de texte que je chante. Mais peut-être que si jamais je donne un texte qui me plaît tellement, je la garderai pour moi. Est-ce que c'est un peu égoïste de vouloir garder ces choses parce que aussi totalement compréhensible du fait que c'est intimiste, c'est toi, c'est pas l'autre, c'est... En fait, il y a un peu de toi là-dedans, il y a beaucoup de toi là-dedans. Souvent, les gens disent « Ah, oh, j'adore la chanson d'un tel », mais ils ignorent qu'elle est interprète. Oh, okay. Et derrière, il y a un auteur, derrière, il y a un compositeur. Et parfois, par exemple, Piaf, qui est superbe interprète, ben, faut se souvenir qu'il y a Aznavour, ou qu'il y a Marguerite Monod, ou qu'il y a Dumont, derrière. Et les gens ont tendance à oublier et disent c'est la chanson de Piaf. Mais Piaf annonçait toujours l'auteur-compositeur. Les interprètes d'aujourd'hui n'annoncent plus. Non. Mais après chaque chanson, avant chaque chanson, elle disait une chanson de Claude Léveillé et la musique de Michel Deville. Et là, ça partait. Donc c'est être honnête avec le public. En leur disant, puis en même temps, c'est pour elle un velours, puisqu'elle rendait tellement la chanson à son zénith que c'était pour elle tout à son avantage. C'est sûr, hein, l'interprète fait énormément dans la chanson. Hein. Mais par exemple, aujourd'hui, je cherche les paroles, par exemple, d'une chanson. Je vais sur paroles.net. Ah oui, oui, oui. Et bien, en fait, on n'a que l'auteur, on n'a plus que l'interprète, on n'a plus jamais l'auteur-compositeur. Non, non. Donc... ouais, c'est frustrant. C'est un peu frustrant. Ouais. Donc du coup, ouais, c'est un bébé qu'on donne. Mais je sais que si... Je pense qu'il faudrait que j'écrive. Si j'avais l'opportunité, j'écrirais pour des gens dont je suis complètement... que j'adore leur travail. Et s'ils les prenaient, je serais tellement heureuse. Ah oui. Voilà. Ouais. J'aurais pas de problème, je pense. Mais qu'est-ce qui te fait prendre le crayon? Je crois que c'est parce que je trouve ça bien de je sais pas, parfois je me dis tiens j'aurais bien envie d'écrire là-dessus. C'est quelque chose, je dirais pas c'est viscéral, mais c'est quelque chose qui m'anime de temps en temps, où j'ai envie de dire des choses ou de montrer comment. Parce que je suis pas très engagée politiquement, mais j'aime bien à un moment donné pouvoir peut-être montrer moi mon point de vue sur la vie. Et parfois dans une relation autour d'un café, on n'arrive pas forcément à bien s'exprimer comme on voudrait. Et quand on écrit une chanson, le format de la chanson, ça permet de s'exprimer assez court et en même temps on livre les idées et on a le temps de travailler, on va dire, sa rhétorique. Est-ce que tu vois une évolution depuis le début dans tes chansons jusqu'à aujourd'hui? Ou si c'est une continuation, si c'est un cheminement naturel? Oui, c'est comme un cheminement naturel. Avec des chansons que je trouve réussies, d'autres moins, et d'autres qui sont très différentes. C'est un cheminement naturel. Adolescente, écrivais-tu un journal de bord? Oui. Ouais. Est-ce que tu le relis? As-tu la chance de... J'ai gardé mes journaux, j'ai gardé mes lettres, j'écris beaucoup de lettres. Je garde tout ça. Je relis de temps ouais, en temps, ça. Mais très peu. Ok. Es-tu surprise de savoir que tu avais cette vision-là? Il y a une forme d'esprit, en fait, sur la... Il y a quelque chose qui me frappait quand j'étais jeune, quand j'écrivais. C'est que je passais des idées de coq à l'âne, comme ça. Et ça faisait une lettre un peu sans queue ni tête, mais c'était toujours très marrant, parce qu'on voyait pourquoi je pensais à telle idée, et le cheminement s'opérait comme ça. C'était un peu du surréalisme, mais rattaché par... Oui, c'est ça. C'est très surréaliste, et en même temps, c'est très... c'est très, comment dire, c'est assez rigolo, cette façon de décrire. C'est étonnant, mais en même temps, ça me faisait sourire. Je trouvais ça un peu humoristique comme ça. Je ne le vois que deux fois par an. Il me reçoit dans son appartement. Il me prend souvent entre 5 et 7. Et je sens que ça va être ma fête. Pas la moindre fleur ni attention. Lui, il veut seulement passer à l'action. Cet homme me regarde et me touche, mais il ne s'intéresse jamais à ma bouche. Pour me dire au revoir, il me serre la main et me donne rendez-vous au mois de juin. je fais tout ce cinéma. C'est qu'au fond j'ai honte de moi. Sans mes robes de princesse, sans tout le tralala pour arrondir mes fesses, sans mon sourire dans tous les coins, mes poudres de perlimpinpin, m'aimerais-tu? Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.